l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Debout la France, pour la moisson, qu'on aperçoit à l'horizon, dont le ciel montre radieux, un avenir plus merveilleux. D'hier est beau, vive demain, une autre France est en chemin. Radio Paris, 29 mai 1942. Je me trouve à nouveau dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve M. Laville, qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à M. Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent, et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer? Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas. Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous. Oh, peut-être 50%, mais les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Alors d'abord, effectivement, avant d'arriver à la rafle elle-même, il y a eu le port de l'étoile, qui était une mesure supplémentaire qui nous excluait encore plus de la communauté française. Annette Krasger. Et ça a été très difficile, très très difficile. Mais bien sûr, comme toujours, il y avait dans le raisonnement, c'est que si on appliquait les ordres, il ne nous arriverait rien. Et que s'il pouvait nous arriver quelque chose, ce serait des sanctions, parce qu'on n'aurait pas obéi aux ordres. Donc toutes les obligations qui ensuite avaient été également données, c'est-à-dire la restriction des horaires pour aller dans les magasins, c'était de 11h à midi dans les magasins d'alimentation, c'était de 3h à 4h dans les autres magasins, eh bien, nous avions respecté. Quand nous prenions le métro, nous avions uniquement droit à monter dans le 5e wagon. Et moi qui continuais à aller au lycée, parce que j'ai continué ma scolarité au lycée, mes camarades montaient avec moi et mon étoile dans le 5e wagon. Donc on a mis l'étoile. On savait que ça avait été fait dans d'autres pays, sous d'autres formes, mais que c'était la même idéologie. Et donc on a cousu l'étoile. Et la veille du jour où il fallait porter l'étoile, c'était début juin, nous sommes allés au bois de Vincennes faire la dernière photo, qui est derrière moi, de maman et de nous deux, en sachant qu'après, des photos extérieures nous prendraient étoilées. La rafle du Veldiv, troisième épisode. Une logistique implacable. Alain Lefkovitch, Séverine Cassard. L'essentiel de la communauté juive se trouve, il y en a un peu partout en France, mais dans certaines régions, il y a 10 juifs ou 20 juifs. Ils ont été identifiés par une opération dont il ne faut jamais oublier qu'elle aussi est imposée par les Allemands. C'est le recensement des juifs qui a eu lieu donc au mois d'octobre 1940. Jean-Marc Berlière. À Paris, plus de 110 000 juifs se sont déclarés. Ce ne sont pas tous déclarés, mais majoritairement. Pourquoi ? Parce qu'on ignore à quoi va servir ce recensement, parce que ces Juifs n'ont pas honte d'être Juifs, parce qu'ils vivent dans une France qui les a accueillis, qui est le premier pays au monde à leur avoir donné des droits civiques depuis la Révolution française, etc. Donc, en bons citoyens, ils sont allés s'inscrire. Le problème, c'est que ces inscriptions ont donné lieu à l'établissement d'un fichier que gère donc la sous-direction des étrangers et des affaires juives, désormais on l'appelle, dirigé par André Tullard, et qui va mettre en place donc un fichier qui est un modèle de fichier pour les techniques de l'époque, que les Allemands visiteront avec beaucoup d'intérêt, et où chaque personne juive, il suffisait du chef de famille qui allait se déclarer dans les commissariats, là aussi le symbole est lourd, Paris c'est dans les commissariats qu'on va se déclarer juif. Et chaque famille et chaque individu est représenté par 4 fiches, donc 4 fichiers différents, classés par nom, classés par adresse, classés par profession et classés par nationalité. Ce qui veut dire concrètement, si vous cherchez un juif grec ou bulgare habitant le 11e arrondissement, etc., vous avez 4 moyens de le trouver. Ordonné par les Allemands, mais pensé et organisé par les fonctionnaires français, pas moins de 9000 policiers et gendarmes sont mobilisés. L'administration est aux ordres, avec aux commandes René Bousquet. La France scelle ainsi son destin, celui de la collaboration, se vautrant dans la fange de ses occupants, celle de la déportation des Juifs et de leur extermination. Mais avec la libération, de tout ça, il n'en sera plus jamais question. Ben oui, on était dans le camp des vainqueurs, et puis, on n'avait pas le choix. Il faudra attendre des années pour qu'enfin une grande rafle soit évoquée. On peut dire que la rafle du Veldiv marque dans la déportation des Juifs de France, d'une part, et dans la collaboration du régime de Vichy avec les autorités allemandes, un palier. Olivier Viviorca, historien de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu déjà un phénomène de collaboration. La collaboration, au fond, dans le domaine de la persécution antisémite, ne date pas de juillet 1942. Mais il est clair qu'ici, un pas est franchi par la minutie avec laquelle les autorités françaises sont associées. Un pas est franchi également par l'ampleur du nombre de raflés. Un pas est franchi également avec le cynisme des autorités vichistes et notamment de Pierre Laval, qui demande que les enfants soient également déportés, ce qui ne correspondait absolument pas à une exigence des autorités d'occupation. La véritable collaboration, c'est la collaboration policière. Serge Klarsfeld, historien, président de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Et la collaboration policière contre les résistants, on peut encore comprendre, parce que ce sont les ennemis d'un régime. Mais les familles qu'on persécute parce qu'elles sont nées juives, alors qu'elles sont innocentes et qu'elles ne font rien contre ni la sécurité des Allemands ni la sécurité du régime de Vichy, on les accuse bien entendu d'être des instruments de sédition, de propagande anti-Vichy, anti-nazie. Mais, en fait, on sait très bien qu'elles ne font rien qu'espérer survivre. Alors, la véritable collaboration, c'est la collaboration policière contre des gens qui sont innocents. Et donc, la rafle du Veldiv, c'est l'apogée de la collaboration. Et ce n'est pas seulement la rafle du Veldiv, c'est la grande rafle qui, en 1942... à partir de la rafle du Veldiv, se continue à travers tout le territoire. Ça commence par la zone occupée, Paris, et ensuite la zone libre, où il n'y a pas d'Allemands. C'est pratiquement le seul pays en Europe où un régime arrête des milliers de Juifs pour les livrer aux Allemands en zone occupée et les expédier vers Auschwitz immédiatement. Donc c'est une gigantesque rafle qui dure entre juillet et en août 1942, et en 11 semaines, 33 000 Juifs prennent le chemin d'Auschwitz, arrêtés par des uniformes français quasi exclusivement. C'est ça le crime de Vichy. Tout commence dans cette fameuse réunion près d'un lac berlinois qui s'appelle le Wannsee, au mois de janvier 1942, quand les nazis de haut niveau décident de ce qu'ils ont euphémisé sous l'expression « la solution finale de la question juive ». Jean-Marc Berlière, historien, spécialiste de l'histoire de la police en France. Les massacres ont commencé depuis bien plus longtemps, hein, à l'Est, en Pologne, etc. Mais ce qui nous importe, c'est que ce jour-là, dans cette réunion, décide d'étendre ce que je vais appeler le judéocide, hein, c'est-à-dire le massacre des Juifs, à l'Europe de l'Ouest. Mais ça n'est que très précisément le 23 juin que Hitler donne à Himmler confirmation qu'on va étendre cette élimination des Juifs aux pays d'Europe de l'Ouest occupés, c'est-à-dire la France, pour faire vite, hein, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège hein, aussi, j'aime oublier. Avec des chiffres totalement faux d'ailleurs, les Allemands croient qu'il y a 700 000 Juifs en zone non occupée. Donc, à partir de la fin du mois de juin, Theo Daneker, qui est le Judenreferat, c'est-à-dire le chef de la section juive de la ZIPO-SD, ce qu'on appelle improprement la Gestapo, hein, met donc en route l'opération. Daneker, hein, lieutenant, mais à tête de mort, vous savez, devant lequel des préfets, des ministres tremblent. Il hein, faut bien comprendre la situation. Et début juillet, il négocie soit avec Le Guay, qui est le représentant du secrétaire général à la police René Bousquet en zone occupée, soit avec Bousquet lui-même, le détail de cette opération. Alors, du côté français, on va essayer, même si c'est pas négociable, de négocier. Et la négociation, elle a lieu dans le sens, il faudrait pas que les Juifs français soient arrêtés. On préférerait que cette rafle touche les Juifs étrangers ou apatrides, c'est-à-dire en fait des Juifs français qui ont été dénaturalisés ou des Juifs tchèques, etc., qui ont perdu leur nationalité. Et puis l'autre partie de la négociation joue sur qui va opérer cette rafle. C'est extrêmement délicat, sur le plan moral c'est une défaite hein, bien sûr, mais il est sûr que les Allemands acceptent que seuls les Juifs apatrides soient arrêtés, c'est-à-dire qu'on exclut les Juifs français de l'opération. Détail, les Juifs étrangers qui vivent en France depuis plusieurs années et qui ont eu des enfants, leurs enfants sont nés en France et les enfants sont donc français par le droit du sol. Mais ça, personne n'en parle. Par contre, alors que Pétain était résolument contre le fait que ce soit les Français qui opèrent, on cède sur ce plan, ce sont les Français qui opéreront. C'est-à-dire que la préfecture de police, qui est la police la plus développée, la plus moderne de France hein, depuis longtemps, c'est donc la préfecture de police qui sera en charge des opérations. Et c'est Bousquet qui en est le principal responsable, c'est Bousquet et Laval. Jacques Semelin, historien, co-auteur avec Laurent Larcher de « Une énigme française ». Bousquet veut que ce soit une action de la France, maîtrisant son administration, sa police, de telle sorte qu'il montre son autonomie par rapport à l'occupant. Voilà, bon, alors, chapitre très sombre, en fait. Puisque, oui, on ne va pas voir un soldat allemand durant cette période. Concrètement, le mécanisme est le suivant, hein, des circulaires extrêmement précises, insupportables à lire, hein, par leur froideur bureaucratique, vont préciser qui est visé. Jean-Marc Berlière. Alors, des catégories d'âge, des nationalités précises. Qui est exclu de ces arrestations? Alors, les femmes qui allaient des enfants de moins de 2 ans, les... bref, tout un tas de catégories comme ça. Et on va tirer de ce fameux fichier les fiches des gens qui correspondent aux critères définis. Ça fait concrètement un peu plus de 27 000 fiches. Comme on considère qu'il va y avoir des gens qui sont morts hein, depuis, ou qui ont déménagé, ou qui ont disparu, André Tullard table sur 22 000 arrestations. Et c'est sur ce chiffre que les Allemands vont se fixer. Ils comptent eux aussi sur 22 000 arrestations. Avec une rigueur toute bureaucratique et inhumaine, hein, mais Personne ne sait, évidemment, sauf les nazis et Daneker, ce qui va arriver aux gens qu'on va arrêter. Eh bien, on précise les détails. Hein. Alors, comment vont être constituées les équipes de policiers, ce qu'on va appeler les agents capteurs, hein, qui sont très différentes selon les arrondissements, parce que le 4e arrondissement, le 11e arrondissement, le 20e ont des centaines hein, d'équipes, alors que dans le 7e arrondissement, il y a moins de 10 équipes. Hein. On précise la composition des équipes, en gros et en général, un gardien de la paix en uniforme et un policier en civil, qui peut être un gardien de la paix détaché, qui peut être quelqu'un de la police judiciaire, qui peut être éventuellement quelqu'un des renseignements généraux, mais majoritairement c'est la police municipale, c'est-à-dire, comprenez les policiers en uniforme, hein, qui vont opérer, en plus ils travaillent dans les arrondissements en question, donc ils connaissent bien les cours et les arrière-cours, le dédale des immeubles hein, dans certains quartiers où il y a énormément de population juive, hein, immigrée depuis certains les années 20 ou les années 30. Et on précise par ailleurs le détail, c'est-à-dire, un, il faudra des autobus de ce qu'il s'appelait à l'époque la Société des Transports en Commun de la région parisienne, qui deviendra en 1945 la Régie Autonome des Transports Parisiens, 50 autobus, qui conduiront donc les gens arrêtés des centres de rassemblement où les équipes d'agents capteurs vont les conduire. Il y en a dans chaque arrondissement. Alors, par exemple, c'est des salles de sport, hein, c'est des salles de bal, vous savez, par exemple, à Bellevilloise, hein, etc. Et là, on procédera au criblage, comme on dit à l'époque, hein, c'est-à-dire on vérifiera que les gens sont bien sur les listes, correspondent bien aux critères qui sont définis. Et puis ensuite, des autobus les conduiront. Alors, les familles avec enfants au Veldive, rue Nélaton, et les familles sans enfants, les célibataires, à Drancy. Grosso modo, un peu plus de 8000 personnes se retrouveront au Veldive, un peu moins de 5000 à Drancy. On précise tout un tas d'autres choses. Les opérations commenceront à 4h du matin. Hein. On ne tiendra pas compte des portes qui ne s'ouvrent pas. On appellera un serrurier pour les forcer ou voire on les cassera. Hein. On arrêtera indifféremment les gens, même s'ils sont pas sur les listes. Hein, ces gens seront conduits et là, ensuite, on vérifiera s'ils correspondent aux critères exigés. Et on précise des choses, des détails, vous savez, les animaux domestiques, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des chats, des canaris? Bon, on les donnera aux concierges, hein, qui ont joué des rôles très contradictoires, hein, les unes héroïques, les autres épouvantables. Et puis on confiera les clés, bien sûr, aux concierges aussi, en précisant que tout pillage serait puni. On coupera le gaz, l'électricité et l'eau. Archives du 16 juillet 1992. Ce jour-là, le 16 juillet 1942, 9000 Français étaient, je vous l'ai dit, mobilisés pour accomplir cette rafle. L'un d'entre eux accepte maintenant de parler. Il a aujourd'hui 78 ans. Il était agent de police au commissariat central du 15e et il est en direct par téléphone. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez entendu le récit de Madame Lerre ? Oui, j'ai entendu. Votre commentaire ? Comment ? Votre commentaire ? Vous savez, nous avons été par le fait pris au piège. Nous étions dans le poste. Nous avions à l'époque 20 minutes de repos pendant notre service de nuit. Et au moment de sortir, il y a un officier allemand qui rentre dans le poste avec un civil. On a vu l'interprète. Alors, l'interprète s'adresse à nous et nous dit « Messieurs, il s'agit de procéder à l'arrestation de juifs et de mauvais français, des communistes. » Et là, qu'est-ce qu'on ressent, monsieur, quand on entend ça ? Qu'est-ce qu'on ressent ? On était bien gênés. Est-ce que vous avez songé à cette époque à démissionner de la police, monsieur ? Non. Pourquoi ? Pourquoi, je n'en sais rien. Non, j'étais écœuré, mais je voulais... Et puis, moi, j'avais un métier à l'époque, j'étais pâtissier. La pâtisserie, ça ne marchait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et où aller ? Je ne voulais pas aller en Allemagne pour travailler, parce qu'il y avait déjà mon frère qui en prenait le chemin. La police est là pour être soumise. Le rôle de la police, c'est d'obéir, et c'était une époque où on ne se posait pas la question des baïonnettes intelligentes, qui était une émergence d'après-guerre. Luc Rudolph, ancien directeur des services actifs de la police nationale. À l'époque, la règle de l'administration, elle a été répétée et analysée, décortiquée par après, c'était la loi existe, la police est là pour appliquer la loi et pour obéir aux ordres. Point, barre, on ne discute pas. Et ceux qui avaient pu avoir ces velléités de discussion avaient fait d'ailleurs en grande partie l'objet d'élimination, puisqu'il y a eu des vagues d'épuration policière auparavant, quand Vichy a commencé à installer son pouvoir. Je fais juste une piqûre de rappel, parce qu'on a tendance à l'oublier. La première structure de résistance qui est arrêtée est un réseau de policiers, un réseau parisien qui va tomber le 21 janvier 1941. Avant celui qu'on cite toujours, c'est-à-dire le Musée de l'Homme, eh bien le Coq Gaulois, qui est un réseau de policiers, va tomber à ce moment-là. Donc c'est dire, pour répondre à votre question soumis ou pas soumis, l'insoumission a commencé relativement tôt. La Voix du Nord, que tout le monde connaît, est créée par un policier à la mi-1940. Donc ce refus policier de s'insérer dans un système totalitaire est précoce. Je ne dirais pas qu'il était majoritaire, il ne l'a jamais été. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des services de police importants, il y avait un service allemand qui était implanté et qui exerçait une autorité réelle, puisqu'il pouvait exiger les dossiers et il pouvait évoquer une affaire, c'est-à-dire retirer l'affaire à la police et la prendre eux-mêmes en compte. C'est des choses qu'il convient de ne pas oublier, parce que ça donne le background de ce qu'était la réalité des policiers et de leur vie à l'époque. Guy Lemouel, Archives du 15 juillet 1992. Lors de la rave du Veldiv, il y a des gens qui ont fait du zèle, n'est-ce pas, qui normalement avaient des listes, qui ont interpellé et arrêté des gens qui ne devaient pas l'être. Vous savez, celui qui avait de la sympathie pour les Juifs ne le disait pas. À la rigueur, celui qui avait de l'hostilité pouvait le dire. Celui-là, il ne risquait pas grand-chose. Il ne risquait même rien que des félicitations, éventuellement, de la part des autorités supérieures. Mais monsieur Lemoyle, la grande majorité des policiers français... Ils ont exécuté, hein, ils ont exécuté les ordres qu'on leur a donnés. Sans même se poser de questions. Oh, je crois pas qu'ils se soient posés de questions, non. Hein. En 1942, au moment de la rave des Juifs, personne ne savait ce qui allait advenir de ces gens-là. En fait, qu'est-ce qu'on pensait à l'époque, au moment où on a raflé ces Juifs? Ben, on a pensé que on allait les envoyer en Allemagne, un peu comme les gens du STO, si vous voulez, hein, qu'on raflait aussi. Hein, les rafles, c'était monnaie courante, on raflait les gens du STO et on les envoyait en Allemagne. Bon, finalement, on s'est dit, cette rafle de juifs, qu'est-ce qu'on veut en faire, hein? On n'en fait rien. Hein. Ce qu'ils racontaient, ils n'étaient pas fiers de ce qu'ils faisaient. Ils savaient bien qu'ils faisaient quelque chose qui sortait de la normalité. Ils n'arrêtaient pas des malfaiteurs, ils arrêtaient des familles. Serge Klarsfeld. À mon avis, ils savaient qu'ils transgressaient la mission qui leur était confiée, qu'ils étaient en train de faire le contraire. Ils savaient très bien qu'ils arrêtaient pour les Allemands, comme Vichy savait. Vichy voulait pas tuer les Juifs. Les policiers voulaient pas tuer les Juifs non plus. Mais les gens qui ne veulent pas tuer, etc., mais qui sont nécessaires à ceux qui veulent tuer, parce que ceux qui veulent tuer ont besoin d'eux pour arrêter, justement. Bon, les gens comme Laval, par exemple, Laval n'a jamais écrit quelque chose contre les Juifs. Mais une fois qu'il a arrêté les Juifs, une fois qu'il les a livrés aux Allemands, il écrit à tous les postes diplomatiques en disant « Les Juifs sont tellement néfastes, tellement méchants, tellement contraires à l'intérêt de la France, etc. » Il dit du mal de ses victimes parce qu'il a transgressé un tabou, il le sait au fond de lui-même. Et le policier qui arrête, je pense pas que... qu'il ait raconté, je pense qu'il a dû dire « c'était dur aujourd'hui, un sale travail ». Mais je pense pas qu'il a décortiqué le mal qu'il était en train de faire en sachant qu'il faisait du mal et que normalement il devait pas le faire. Quoi. Mais il n'y avait pas eu de rafle du Veldiv avant. Aujourd'hui, nous savons, et donc on... C'est quand même une époque très différente. Nous sommes passés par l'horreur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont armés contre pareille situation. « Dans une note trouvée dans les archives de la préfecture de police de Paris, on peut y lire, je cite, que les enfants vivant avec la ou les personnes arrêtées seront emmenés en même temps si aucun autre membre de la famille ne reste dans le logement. Ils ne devront pas être confiés aux voisins, les gardiens seront responsables de l'exécution, les opérations devront être effectuées avec le maximum de rapidité, sans parole inutile et sans aucun commentaire. Au départ, l'opération est prévue pour le 13 juillet. Elle doit commencer le 13 juillet à 4h du matin. Et puis, rien n'est prêt, ni au Veldiv, ni à Drancy, et encore moins dans les camps du Loiret où on devra transporter les gens du Veldiv. Donc, l'opération est repoussée au 16. C'est terriblement important parce que ça veut dire concrètement qu'énormément de policiers, des milliers, ont eu vent de l'opération. Et dès le départ, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup moins d'arrestations que prévu. Alors, à l'état-major de la préfecture de police et notamment de la police municipale, c'est-à-dire les 20 000 gardiens de la paix en uniforme, on est tenu au courant, heure après heure, des résultats. Et à la fin de la journée, du 17 juillet, un peu plus de 13 000 arrestations sur les 20 à 22 000 qu'escomptaient les nazis et qu'avaient annoncé André Tullard et Jean-François, son chef, directeur de la police générale. Alors, du côté allemand, on est bien au courant de ce qui se passe, et donc du côté des nazis, on impute très clairement la responsabilité de cet échec, ou de ce demi-échec, aux gardiens de la paix, à la police parisienne. Il y a eu des fuites, ils ont prévenu. Ce qui est beaucoup plus attristant, c'est que du côté de la hiérarchie de la police parisienne, on est pétri de honte. On avait promis 22 000, on n'en donne que 13 000. Et là aussi, on n'ignore pas qu'il y a eu des fuites, on n'ignore pas qu'il y a eu des gens qui ont été prévenus. D'ailleurs, quand on regarde les gens qui ont été arrêtés, il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Les hommes se sont cachés. Imaginez un père... Imaginez un mari qui s'est caché, qui a échappé à l'arrestation. Certains sont allés, 200, quelque chose comme ça, se livrer eux-mêmes les jours suivants en disant on reste ensemble plutôt que d'être séparés. Non, ils n'ont rien préparé. Même ceux qui ont conçu la rafle du côté français n'ont même pas pensé que ceux qu'ils allaient arrêter, puisqu'ils pensaient arrêter 22 000 adultes, qu'ils avaient des enfants. Et que faire des enfants? N'y ont pas pensé. Ça posait problème. Il y a des femmes qui ont été arrêtées avec leur bébé qui était à la maison. Et personne pour aller chercher les enfants, quoi. Sur le plan des effectifs, ils ont préparé. Sur les effectifs par arrondissement, etc. Mais pas les lieux pour accueillir les prisonniers, quoi. Quand je pense au maréchal, tout pour moi renaît soudain. Quand je pense au maréchal, tout m'apparaît clair et fin. Merci à Olivier Viviorca, Serge Klarsfeld, Luc Rudolph, Jacques Semelin, Jean-Marc Berrière et à Annette Krasger. Merci également à Nathalie Minard, responsable du polymage du service des archives de la préfecture de police. Merci à Véronique de Saint-Pastou pour les archivina. La rafle du Veldiv, une logistique implacable. Mixage, Antoine Viossa. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Carvan. Un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Séverine Cassard. Quand le sort vous est injuste, dites-vous, ça m'est égal. Serrez les dents, bombez le buste et pensez au maréchal.